Genzo, Discan, Mega Scandal, Toi-même tu sais t'es pas content, viens tu me rends ta fête. Toi-même tu sais n'est qu'un scandale.